7, 8 heures, 2 minutes, 12 secondes. Il peut pas être au quatrième top exactement, 8h30. Allô, réfléchis bien à ce que tu vas dire. Comment 8h29, ah merde, j'ai dû m'endormir. J'ai même pas eu le temps d'enlever mes chaussures. Il faut que je me rappelle où j'ai garé la voiture. Oh, j'ai 100 ans ce matin dans mon lit. 100 ans c'est bien trop tard pour m'occuper de ma vie. Mes paupières se referment malgré l'effort inouï. Encore un petit quart d'heure et je me lève, c'est promis. Si je veux travailler, je ne vais faire des conneries. Je ferais bien mieux de rester là dans mon lit. J'aurais pourtant juré d'avoir enlevé ma chemise crème. C'est dur, on ne peut même plus compter sur soi-même. Dans mon lit, 100 ans c'est bien trop tard pour m'occuper de ma vie. D'ailleurs, je l'ai renversé et je m'en suis mis partout. Ça me donne envie d'encore 24 heures de sommeil. Ça devrait être des soirs, des matins.